Mais regardez-le avec son sourire ravageur, son œil de velours, sa démarche assurée. Qu'il est drôle. Quoi? Ma parole, il croit vraiment qu'il a gagné? Tous les mêmes. Marche.